Le journal sud-coréen Hanguk Ilbo en date du 8 mai critique dans son éditorial le Japon infâme qui exerce une pression sur l'UNESCO en ce qui concerne l'enregistrement du dossier de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise comme patrimoine mondial à inscrire et le gouvernement sud-coréen qui ne sait le contester comme il faut.